L'Académie des blogs. Un rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité des lettres et de la culture sur Internet. On retrouve Élodie Courtejoie et David Abiker. Bonjour, bienvenue dans l'Académie des blogs. On reçoit aujourd'hui Alain Soral. Alain Soral qui est essayiste. Il a publié plusieurs, on va dire, pamphlets, hein, Sociologie du dragueur, Socrate à Saint-Tropez, Jusqu'où va-t-on descendre, et plus récemment Chute. Chute parce que il y fait notamment l'éloge de la disgrâce. Disgrâce, on saura tout à l'heure si c'est en raison des idées qu'il développe dans ses livres, de sa collaboration récente avec le Front National. Il en est devenu un des conseillers. Il est conseiller auprès du président. Mais on reçoit aujourd'hui Alain Soral parce qu'il utilise Internet pour faire connaître ses livres, ses idées, réagir. Et avant d'aller plus avant dans la discussion, Élodie est allée visiter le site blog d'Alain Soral et elle va nous dire ce qu'elle y a trouvé. Bonjour David, bonjour Alain Soral. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Alors, comme vient de le dire David, j'ai eu la lourde tâche de me pencher sur votre site alainsoral.com et quand je vous lis, j'ai envie de chanter... Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé, les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Ouh. Et oui Alain, personne ne vous aime, il faut dire que vous n'aimez pas grand monde non plus. Il suffit d'appartenir à une communauté quelconque pour être en terrain ennemi. Alors pour moi qui suis féministe, juive, lesbienne, je crois que c'est mal parti. N'étant plus invitée sur les plateaux télé, à la radio, votre mort médiatique étant programmée, l'agitateur que vous êtes a trouvé un moyen de se faire entendre sur le net. Et quand on vous refuse l'entrée à Sciences Po, comme ce fut le cas en décembre 2006, pour dédicacer votre dernier roman « Chute », vous nous laissez sur votre site pas moins de 3 vidéos différentes, une bande dessinée relatant cette anecdote, le message de Sciences Po vous confirmant que vous n'êtes plus convié à cette séance, ainsi que tous les mails de soutien. Si avec pas ça... tous les mails de soutien. Quelques mails de soutien, vous m'excuserez. Si avec ça, on ne vous entend pas, il me semble que c'est plus de l'indifférence que de la désinformation. Mais ce que je retiens, c'est surtout qu'on ne doit pas se marrer tous les jours avec vous, Alain Soral. Puisque dans les premières lignes de votre biographie, vous décrivez les premiers instants de votre vie comme une enfance douloureuse, de bourgeois déclassé, fils d'un couple mal marié, qui vivait dans la terreur du père et la froide passivité de la mère. Bref, vous étiez mal barré. C'est classique dans le roman bourgeois, hein. Pourtant, en avançant dans les années 80, on sent poindre une amélioration dans votre destinée. Vous vous installez dans une ancienne fabrique d'instruments chirurgicaux. Et là, vous débutez un échange épistolaire avec votre père incarcéré en Suisse. Bizarrement, vous faites une grave dépression. Alors vous dilapidez votre pécule en vêtements sur mesure à Londres. Ah, je vous y prends alors à critiquer Bridget Jones. Vous faites la même chose que nous, les femmes. Avant de vous perfectionner dans la drague de rue, là encore, je ne fais que reprendre votre propos dans la partie biographie. Fin des années 80, on apprend que vous êtes d'humeur suicidaire. Mais tout va mieux le jour où vous vous mariez et surtout le jour où vous vous achetez une voiture. Ah oui, c'est ce que j'aime chez vous Alain Soral, c'est ce goût du détail. Tout ceci sur fond gris, la couleur de votre site, gris, union du blanc de l'innocence et du noir de la culpabilité, car oui, je suis certaine qu'au fond de vous, Alain Soral, vous culpabilisez. Emblème chrétien de la mort terrestre et de l'immortalité spirituelle, de l'innocence calomniée, noircie, condamnée par l'opinion ou les lois. Si vous voulez, j'ai aussi une autre version du gris. Il traduit le manque de vigueur des asthéniques, des déprimés, l'égoïsme, le refus de l'engagement, l'enclos narcissique et dans les rêves, l'excès d'indifférence, l'ennui, la froideur. Je vous laisse nous dire quelle version vous convient le mieux. Moi, je veux peut-être m'arrêter là avant de me prendre un crochet du droit par l'instructeur de boxe française que vous êtes. Alors, la Soral, est-ce que derrière le blog, il y a l'homme ? Ouais, tout ça est vrai, mais tout ça est compliqué. J'ai écrit un éloge de la culpabilité dans en tant que chrétien. C'est bien de pas penser qu'on a toujours raison a priori, de douter de soi. Moi, j'ai été communiste, donc j'ai pratiqué l'autocritique et je me suis attiré pas mal d'ennuis justement en faisant remarquer qu'aujourd'hui, non seulement les communautés s'affirmaient de plus en plus, mais en plus qu'elles étaient toujours sur le mode victimaire, c'est-à-dire qu'elle décidait toujours a priori qu'elle n'avait reçu que des coups. Et elle ne se posait jamais la question du rapport à l'autre et qu'il faut être deux, même pour une engueulade, comme dans une scène de ménage. Et c'est parce que j'ai voulu faire remarquer ça que Je me suis attiré pas mal d'ennuis, mais bon, je regrette pas. C'était aller jusqu'au bout d'une démarche intellectuelle. Et moi, je crois au. Pour moi, la morale de l'intellectuel, c'est le logos. C'est la logique. Je suis allé jusqu'au bout de ma logique. Le mot ennui revient assez souvent dans votre site. Je me suis attiré des ennuis. Est-ce que le blog et le site internet de l'auteur, puisque c'est notre sujet dans l'Académie des blogs, est-ce que c'est une façon de prendre le maquis par rapport aux médias traditionnels où vous êtes le premier à dire que vous n'êtes plus invité? D'abord, ennui, il y a deux sens. J'ai très peur de m'ennuyer, moi, dans la vie. Oui, oui. Je trouve que la période est très ennuyeuse. Donc, je continue à essayer de vivre sans m'ennuyer et de prolonger une époque où on s'amusait un peu plus. À l'époque où j'étais un peu dans la bande de Jean-Yves Dernallier. Donc, effectivement, j'essaye de repousser l'ennui qui est un peu une chape, là, sur notre période actuelle. Et en ce faisant, je m'attire des ennuis. Voilà. Point de vue là, alors, est-ce qu'Internet est un moyen pour vous, finalement, de ne pas vous ennuyer ou en tout cas d'apporter à vos lecteurs, vos détracteurs, une parole dont vous dites que vous ne pouvez plus la porter dans les médias traditionnels? Est-ce que c'est vrai, d'ailleurs, vous ne pouvez plus aller dans les médias traditionnels? Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que je suis souvent invité à des émissions par des journalistes et désinvité au dernier moment par des gens qui ont peur de se faire engueuler pour m'avoir invité. Puis il y a autre chose, c'est que les émissions ont changé progressivement. Et les émissions de débat de qualité sont très très rares et très surveillées. Donc à une époque, j'avais une stratégie, c'est d'aller dans les émissions les plus cheap, puisque c'est là où la police de la pensée était la moins présente. Et donc je pouvais dire le plus de choses. À la limite, les meilleures émissions que j'ai faites, c'est avec Evelyne Thomas, ce qui est assez paradoxal, mais ce qui s'explique quand on étudie bien le fonctionnement des médias. Alors que à d'autres émissions, il y a de gros enjeux, je sais pas, genre riposte, etc. J'ai souvent été pressenti pour ces émissions-là, mais ça s'est jamais fait parce qu'il y a, vous savez, il y a le principe du consensus. Il faut que tout le monde soit d'accord pour que quelqu'un soit invité. Et c'est comme pour les prix littéraires, donc c'est toujours le nivellement, c'est toujours le personnage moyen qui est invité. Et alors maintenant, les émissions, c'est vous qui les fabriquez ou des gens qui vous suivent et qui vous filment? Parce que quand on va sur votre blog ou sur votre site, finalement, il y a énormément de vidéos. Alain Soral, vidé de Sciences Po, Alain Soral avec Dieudonné, Alain Soral s'explique. Finalement, vous êtes devenu votre propre fabricant d'images, vous vous autoproduisez? Non, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que c'est systématiquement des gens. Moi, au départ, j'ai un mail. Il y a quelqu'un qui me propose de me créer un site. Alors, je lui dis, c'est gentil, je ne le donne pas suite. Et le type insiste, je vois qu'il a... Et puis moi, je dis, bon, bah vas-y, banco. Donc, mon site internet a été créé par un lecteur bénévole. Et tout se fait par des rencontres et des gens qui me proposent de faire ces choses. Par exemple, là, les interviews vidéo, là, c'est des petits jeunes qui montent des je sais pas comment ça s'appelle, des sites, et puis qui me disent on aimerait bien faire une interview de vous, et puis au bout d'un moment je dis oui, et puis ça se fait. Donc en fait, moi je suis quelqu'un de, je suis issu des années 70, je suis pas un gros bosseur, je suis pas. Vous êtes pas entrepreneur de votre image, c'est ça que vous voulez pas dire? Pas tant que ça. Ça, en fait, je suis dynamique. Je bouge et ça m'attire il y a des gens qui viennent à ma rencontre comme vous. Je veux dire, je vous ai pas sollicité par exemple. J'ai pas fait beaucoup d'efforts. Et puis finalement, on se retrouve là. Mm-hmm. C'est souvent des rencontres qui se prolongent. Et le forum, par exemple, qui existe sur moi, j'y suis strictement pour rien. C'est un type qui m'a demandé l'autorisation de le faire. Je n'allais pas lui dire non. Après, il m'a demandé si je pouvais mettre le lien sur mon site internet. Donc, j'ai mis juste un petit lien minimum. Je ne suis jamais intervenu dessus. Mais ça existe. Donc, c'est plutôt que... je crois qu'il y a un sentiment de manque dans les médias. Vous répondez quand même aux 580 mails que vous avez reçus en 3 jours. Oui, ça c'est une question de politesse. Vous n'êtes pas négligent par rapport à cette chose organisée qui est destinée finalement à promouvoir ce que vous écrivez, vos prises de position, vos réactions, vos contre-offensives. Oui, il y a deux. Vous êtes acteur. Il y a deux dimensions. C'est que je suis écrivain. J'ai besoin que mes livres circulent et se vendent. Et n'étant plus très promu par le circuit traditionnel, effectivement, je peux pas faire l'impasse là-dessus, mais aussi je me suis toujours dit, je me rappelle des gens que j'ai rencontrés, quand j'étais plus jeune, jeune parisien qui aimait les idées, j'ai rencontré Baudrillard, j'ai rencontré Jean Dernallier, j'ai rencontré pas mal de gens, et j'ai toujours fait la différence entre les personnages connus, sympathiques, généreux, ouverts, et puis les connards, ceux qui gagnaient pas à être connus. Il y en a pas mal, je dirais pas leur nom. Et je me suis dit, moi, plus tard, faut que je me rappelle bien que la façon de me comporter, et souvent, moi, les gens qui m'écrivent sont des mecs de 20-25 ans, qui font des études supérieures, qui se posent des questions, ils m'envoient un mail, c'est des mails souvent très sympathiques, très touchants, et je me sens obligé de leur répondre. Alors, je réponds parfois, message reçu, ou merci à vous. Mais je me rappelle, moi, quand j'ai écrit des lettres à des intellectuels, certains philosophes et qui me répondaient pas. Certains me répondaient, ne me répondaient pas. Ceux qui me répondaient pas, ça fait mal. Quoi. Je veux dire, on n'aime pas ça. Alors on n'imagine pas toujours que les types sont débordés. Et d'ailleurs, parfois, j'ai des engueulades quand quelqu'un m'envoie. Parce que des fois, des gens m'envoient des mails de 3 mètres de long, ils me posent 52 questions. Et je leur dis, je peux pas répondre à tout ça, j'ai matériellement pas le temps. Ou ils me demandent de lire leur bouquin ou de coécrire un livre avec eux. Et j'ai parfois des types qui m'engueulent en disant, vous croyez plus sympa que ça, finalement, vous êtes comme les autres. Donc, j'essaye de faire le minimum pour rester. Ce que je crois, c'est mon côté encore de gauche, c'est de l'échelle humaine, de rester, de traiter tout le monde sur le même pied. Voilà. Alors, quand on parlait tout à l'heure de, je dirais, alors pas d'autoproduction, puisque vous dites que ce sont des sympathisants ou des lecteurs fans qui filment ou qui enregistrent vos prestations publiques. Bon, on peut en trouver la compilation sur votre blog. Pour quelles raisons, finalement, vous trouvez nécessaire, vous estimez nécessaire d'avoir à vous justifier, à expliquer ou à dire, regardez, j'ai été exclu de ceci ou exclu de cela. Est-ce qu'il n'y a pas un côté promotion par le scandale? Non, moi j'estime que je suis qu'on appelle un publiciste. Hein. Vous savez la différence entre le publiciste et le publicitaire, il y en a qui ne la font plus. Je m'inscris dans une tradition française. Il y a marqué sur mon site agitateur depuis 1976. Qui est un peu pourquoi 1976? Je m'étais amusé à parodier le slogan de la FNAC, je crois. Il y avait marqué agitateur. Ah, mais pourquoi cette date? Parce que c'est l'année où je suis arrivé à Paris, de ma province. Et c'était l'année du punk, donc j'ai déboulé directement à 18 ans autour du Trou des Halles, et ça a été un électrochoc pour moi. C'était une époque intéressante. Et depuis ce jour-là, j'ai pas cessé. En fait, je suis resté punk, quoi. Je continue à être punk. Est-ce qu'un punk s'encarte dans un parti politique? Est-ce qu'il a besoin de s'encarter dans un parti politique? C'est le Front National, ça a été le Parti communiste, mais est-ce que finalement la liberté que vous autorise Internet, est-ce que vous aviez besoin de trouver une chapelle? Être punk, c'est faire ce qui se fait pas, par définition. Or, il n'y a rien de plus interdit, de plus laid, de plus mal considéré qu'un type qui prend sa carte au Front National. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore prise, mais je préfère travailler avec les gens du Front National que de prendre ma carte. Et je me suis dit, c'est ce que je peux faire de pire. En fait, je cherche toujours ce que je peux faire de pire. Avec cette petite... on est dans une tradition subversive, c'est pour choquer le bourgeois, en fait. Ça renvoie à Choron, à Brassens. Enfin, moi, j'ai toujours eu une espèce de haine, de la haine du paumé pour le bourgeois. Quoi. Genre, quand je suis ici, je me dis, il y a beaucoup de pognon, c'est pas beaucoup de gens qui ont le droit de rentrer. Je suis pas mais juste si, content si, d'y si, être. Si, la preuve, vous je me dis, j'aimerais bien y revenir sur un cheval avec les armes à la main. Tu vois, j'ai ce côté. Oui, c'est ce côté-là quand même. Vous avez envie de prendre l'institut. Bien sûr, oui. Et à Sciences Po, j'aimerais bien revenir sur un char, par exemple. Sur un char, bien sûr. Ah bah oui, j'étais pas au Parti communiste par hasard et je suis pas rentré dans un autre mouvement récemment par hasard. C'est que je suis dans l'opposition. Je le raconte même dans le premier constat, c'est quand j'essaie de rentrer dans les boîtes de nuit et que je vois tous les fils de bonne famille qui rentrent et moi on me dit soirée privée, vous restez dehors. Là je comprends, c'est les rapports de classe. Ça, je me dis cette porte est fermée. Bientôt vous allez nous vendre le testing alors. Non, je suis contre, mais parce que moi je me suis démerdé autrement. Je dis, pour rentrer, il y a des stratégies de soumission, ou alors il faut rentrer en force, il faut racheter la boîte, ou alors il faut faire comme les Yougoslaves, faut monter un réseau et puis demander une enveloppe. Vous voyez? Et moi je suis dans l'opposition. Voilà, je suis. Alors bon, la période étant pas très révolutionnaire, on est dans l'agitprop, quoi. Enfin, je suis aussi dans une tradition qui était celle de Libé il y a 15 justement, ans. Justement, hein. pour parler d'agitprop, d'après vous, Internet, ça change radicalement les méthodes d'agitprop. Pour quelqu'un vous, qu'il soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche ou au centre, ça a complètement modifié les données du programme et du problème. Ça nous a permis de continuer à exister, nous les marginaux, parce qu'à un moment donné, le système a tout verrouillé. La marge a été entièrement bouffée. Parce que d'abord, elle a été récupérée, puis parce que les sources de financement de la marge se sont taries. Il y a vraiment une double évolution dans les années 80, hein. La mise au pas complète. Le dernier qui a essayé encore d'être un trublion un peu indépendant, qui a arrivé à trouver un peu d'argent pour faire un canard, c'était Jean-Yves Dernallier à l'époque de l'idiot. Et ça lui a coûté très cher. Et il n'y en a plus depuis. Et tout le monde a la nostalgie de cette époque et de cette subversion et de cette liberté, mais elle ne peut plus exister. On voit bien que les Inrecuptibles, Technicart, finissent par être sponsorisés par Absolut Vodka, et que c'est quand même des gamins, des petits merdeux, très incultes, et puis surtout, ce sont des flics. ils font de la censure. C'est en fait, et moi, j'ai d'instinct, j'ai toujours, ça m'insupporte, ces gens-là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il restait plus rien. À la fin des années 90, on nous a dit, c'est la fin de l'histoire. Le truc, c'était d'attendre les soldes, quoi. Il y avait plus que ça comme perspective. Et donc, Internet s'est pointé. Internet s'est pointé, et c'est Radio Londres. C'est-à-dire, c'est les Allemands arrivent. Il y a Radio Paris. On se dit, c'est dur. Et puis, on entend l'appel du 18 juin. Et puis, il y a Radio Londres. Et puis, on se branche sur Radio Londres. Après, on peut aller aussi à Londres, mais dans un premier temps, on se branche sur Radio Londres. Et Internet, c'est Radio Londres, et ça permet de supporter Radio Paris, parce que comme vous le savez, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Oui, oui, oui. Mais plus récemment et moins connoté, est-ce que vous, l'outil Internet, il a changé votre façon d'écrire? On a eu plusieurs invités dans l'Académie des blogs, et l'écrivain écrit sur son ordinateur, il écrit sur une feuille de papier, comme vous le faites en ce moment, en faisant des petits dessins qui ressemblent à des dessins de téléphone. Vous, quand vous allez sur un forum ou que vous écrivez sur votre site ou votre blog, vous avez le sentiment que l'écriture est différente quand on sait qu'on va être lu dans l'immédiat, immédiatement après. Oui, ça oblige à écrire vite, mais pas trop mal. Voilà, pour moi, ce qui a changé avec Internet, c'est le retour à l'écrit. Et l'alternative d'Internet, c'était le téléphone. Le téléphone, c'est un médium très faible en termes d'esprit, d'abord parce qu'il y a une dimension, et comme quand je parle ici, c'est émotionnel, donc c'est souvent pas très bien structuré, il y a un peu d'angoisse, on est à la, alors que le net, c'est le retour à l'écrit avec la petite distance minimum, c'est-à-dire que c'est de la fausse spontanéité, on fait un petit effort quand même, et c'est pour moi c'est le côté très positif, c'est que c'est un médium moderne mais en réalité qui réhabilite l'épistolaire, qui est quelque chose qui renvoie plutôt chez nous au 18e, 19e siècle. Et moi, ça me correspond assez bien. La modernité au service du classicisme. Moi, je crois que cette obligation de répondre vite à des questions qu'on vous pose, en ayant peu de temps, mais en défendant une image, on peut pas être... Il faut être un peu fin, un peu drôle, lapidaire. C'est très bon. C'est très bon pour l'écriture que j'aime, qui n'est pas l'écriture proustienne. Hein. En figurique, les phrases longues, etc. Donc pour moi, ça correspond bien à mon style. Je me sens à l'aise avec ce médium-là. Quoi. Est-ce que, vous savez, à un moment donné, vous parliez de la fin de l'histoire, même de fin des idéologies. C'est une idéologie. À la fin du 19e siècle, ou même au début du 20e siècle, il y avait encore des scandales littéraires, et puis ils ont disparu. On se battait plus dans les salons, on se battait plus dans les cafés pour des idées. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Internet a réhabilité ces vieilles habitudes littéraires de conflits, d'oppositions, avec de grosses bagarres sur justement les forums, ou sur Internet, où on peut se battre à coups de vidéos interposées à coups de fans qui vont prendre position avec des soraliens d'un côté, des opposants de l'autre. Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que vous avez le sentiment qu'Internet peut réhabiliter les querelles littéraires ou idéologiques dont vous seriez évidemment ou dont vous êtes un acteur aujourd'hui? Oui, cette différence près, c'est qu'on est quand même chez soi devant sa machine. Ce qui manque fondamentalement, c'est des gens qui se regroupent. C'est l'aventure collective, physique, réelle, c'est irremplaçable. Mais sur cette remarque la bataille d'Hernani, ça s'est prolongé avec les surréalistes, avec les existentialistes, à l'époque de mai 68, où on voyait les étudiants se prendre la tête pour voir s'ils étaient maoïstes, ou, je sais pas, ou léninistes, etc. Et ça s'est arrêté, ça s'est écroulé à partir de 85. Oui, d'ailleurs, on a vu Sciences Po monter par rapport à Normal Sup, les écoles de gestion se multiplier, et la jeunesse bourgeoise n'est plus du tout rebelle ou se poser des questions de conscience, comme dans les très beaux films italiens des années 60 sur la culpabilité du cadet de la bourgeoisie. Et les types se sont demandé quand est-ce qu'ils pourraient gagner suffisamment d'argent pour s'acheter un appartement à New York. Et moi, c'est pas du tout ma culture, donc Mais vous croyez pas justement que ces jeunes bourgeois ou ces gens qui s'entre-déchiraient et qui se posaient des questions à cette époque-là reviennent par l'intermédiaire d'Internet? Oui, tout à fait, tant mieux, je suis content. À cette différence près qu'ils reviennent, c'est des gens qui restent quand même un peu seuls chez eux. Ce qui manque, c'est de se retrouver. D'ailleurs là, ce soir, je vais participer à un débat dans une arrière-salle de café qu'ont organisé des étudiants. J'ai accepté de venir, ils se sont groupés, et je me dis, il faut quand même à un moment donné qu'il y ait une rencontre physique. C'est comme avec les filles, quoi. Vous avez beaucoup d'auteurs ou beaucoup de gens qui vont sur des forums et qui ensuite se rencontrent dans la vraie vie. Donc c'est nécessaire mais pas suffisant. C'est comme les filles. C'est comme les internets. C'est pas mal pour dialoguer avec des filles. Mais à un moment donné, pour qu'il y ait pénétration, faut se rencontrer. Sinon, il manque le plus important. Pour terminer sur cette note pénétrante, est-ce que vous lisez les blogs? Est-ce que vous jaugez la qualité littéraire de ce qui se lit et s'écrit sur Internet aujourd'hui? On terminera par cette question. Je vais dire quelque chose qui n'est pas très commercial pour moi. C'est souvent faible. Voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que quand je vais sur les forums, très vite, je suis lassé parce que il y a beaucoup de narcissisme, beaucoup d'arrogance et c'est, en général. Le vote vous apporte des satisfactions ou pas vraiment? Pas énormément. Il y a deux personnes qui discutent, au bout de trois allers-retours, il y en a un qui traite l'autre de nazi ou de sioniste ou d'assassin d'enfants ou de pédophile. Je sais pas, c'est la réduction à Hitler Rome en cinq minutes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont sur les blogs pour apprendre ou pour échanger. En général, c'est pour une démonstration d'intelligence et de narcissisme par des gens qui n'ont pas vraiment les moyens. Il y a beaucoup de... Vous parliez tout à l'heure de « C'est mon choix ». Est-ce que les blogs, ce n'est pas la génération « C'est mon choix » pour vous? Ouais, mais « C'est mon choix », c'est très encadré par une production. C'est beaucoup plus rigoureux en réalité une émission de télé. Il y a des codes, il y a un timing, il y a une animatrice professionnelle, il y a des chauffeurs. C'est un exercice qui est beaucoup plus, qui demande beaucoup plus de virtuosité. Les gens se rendent... Le blog, c'est un peu le... Ça a à voir avec tout ce que je déteste dans le spontanéisme 68 art. C'est si je le pense, je le pense et je dis ce que je veux. C'est celui qui dit qui est, quoi. Tu vois, c'est de ce niveau-là. C'est quand même très faible. Vous qui êtes, j'avais dit que c'était ma dernière question, mais j'en profite quand même. La bataille là, présidentielle va s'engager. Les blogs et Internet y sont très présents. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un plus pour la démocratie? Est-ce que le consultant politique que vous êtes devenu auprès du Front National... Auprès de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen. Parce qu'en fait, il y a le comité de campagne. Merci de la précision. Donc, le consultant que vous êtes devenu auprès du père et de la fille, du père et de la fille et du président... Et de sa fille, quel regard vous portez sur cette bataille de blogs entre la droite, la gauche, l'extrême gauche et l'extrême droite? C'est mieux que rien déjà. Et puis ça permet de prendre la température de la capacité d'analyse, de subversion, de décodage des gens. Parce que je vois des fois comme des trucs très malins, pertinents. Souvent, ce qui me gêne, c'est que quelqu'un qui est à moitié malin et pas très malin. C'est-à-dire que c'est un gros boulot de faire le décryptage jusqu'au bout. Et souvent, les types, ils ont 30%, 40%. Alors, ils disent, oui, la candidature de Villiers, c'est ça, etc. Puis, on est souvent dans le monodéterminisme caricatural du type, vous voyez, comme le type qui vous dit, en fait, machin, c'est un agent de la CIA. Vous voyez, puis ça s'arrête là. Alors, il y a le côté un peu fantasmatique, théorie du complot, c'est bon esprit, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est pour ça que je suis de plus en plus droitard, c'est ce qui manque, c'est l'humilité et le sens de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand je m'engueule avec un lecteur de 20 ans et qui me dit vous vous trompez là, j'ai lu tous vos livres jusqu'à présent, c'est tout ce que vous faisiez était très bien, mais là vous vous trompez. Moi je réponds, écoute, j'ai 48 ans, t'en as 20, petit merdeux, je sais que c'est beaucoup plus de choses que toi, j'ai beaucoup plus vécu que toi. Donc à un moment donné, quand tu comprends plus, tu dis pas je me suis trompé, tu te dis j'ai du mal à vous suivre. Et là, je fais un effort pédagogique et ça passe ou ça passe pas. Mais ce qui m'horripile, moi, c'est ce résidu de catastrophe 68 tarde, c'est l'arrogance spontanéiste du jeune. Il faut vraiment ça, c'est vraiment ce qui nous est arrivé de pire. Et c'est encore et malheureusement, Internet ne favorise encore ça. C'est l'arrogance du jeune parce que c'est un truc de jeune. Internet. Ah, vous savez, vous savez qu'Internet, c'est le premier loisir des retraités. Hein. Vous pourrez. Oui, mais ils doivent peut-être pas le pratiquer comme ça. Vous pourriez tout aussi dire tais-toi, vieux con. Hein. Il y a le vieux con et le jeune con. Du haut de vos 48 ans. Entre les deux, moi. Alors, le vrai problème frustrant d'Internet, c'est qu'on ne peut pas gifler le petit con qui vous envoie des mails agaçants. Mais heureusement pour lui, heureusement pour les lecteurs qui ne sont pas de votre avis. Oui, mais dans le temps, dans la rue, ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait le... Vous, votre rôle, c'est de gifler... Contact physique, vous, votre contact rôle, physique. Votre rôle, c'est de gifler avec des mots, c'est pas de gifler avec les mains. Même si côté droitard prend le dessus... Là, je reviens à Sciences Po. Quand on me fait expulser par des flics, 8 flics en uniforme et en tonfa, il n'y a pas de dialogue non plus. On me fait virer de par la force. Donc la force, moi je ne fais jamais que rendre ce qu'on me donne. Je me mets au niveau de l'autre. Ne vous victimisez pas. Si Monsieur Descoings avait voulu m'expliquer clairement, on aurait pu s'entendre et ça, on aurait passé un moment d'intelligence française. Alors que là, non, il y a eu vidage par la police. Moi, je ne suis jamais qu'un petit résistant avec de petits moyens, seul face à la, comment on dit, face à la matrice, non, je sais pas comment on dit, à la machine, au système. C'est le rapport du faible au fort. Mais on va terminer sur cette sortie sur le système et le rapport du faible au fort. Merci Alain Soral. C'est moi qui vous remercie.